Comme nos voix, bada bada, da bada bada, chante tout bas, bada bada, da bada bada, nos cœurs, voix, bada bada, da bada bada, comme une chance, comme un espoir, comme. Combien de joie, bien des drames, et voilà, c'est une longue histoire. Un homme, une femme, ont forgé la trame du hasard. Chance qui